Voici maintenant les pages de Voltaire historien que j'ai choisies et enregistrées pour vous, extraites de l'histoire de Charles XII, roi de Suède, le siècle de Louis XIV, et enfin l'essai sur les mœurs.